Il y a un psychologue dans la salle? Parce que, entre deep et surréalisme, mon psychisme clotique. Foin des dualismes là, des manichéismes, mes appuis cèdent. Et pour remède, 1, 2, 3, 4. Je veux un tricycle, vous moquez pas, j'en ai jamais eu. Je veux un tricycle, cherchez pas, c'est tout vu. Fragile équilibre, équitable sur l'équitable, équité, mais libre. Je hais les deux roues, me moquez pas, j'y ai jamais tenu. Mis en tout nous une énigme jamais résolue. Fragile équilibre, équitable sur l'équitable, équité, mais. Prendre à trois roues pour tenir à deux roues, c'est peut-être mieux. Apprendre qu'à trois pour tenir à deux, libre, équilibre, libre, équilibre. Sur mon tricycle, une, deux, trois, une, deux, trois roues, une, deux, trois, une, deux, trois roues. Libre. Ça peut marcher, ça? Bah t'es pas tombé en tout cas, hein.